Chapitre 17e. L'aimait-il ? Lorsque la veuve fut partie, un agréable calme se répandit sur l'existence de Marcia. Elle redevint la principale compagne de son père pendant les longues soirées solitaires. Le baronnet, en général, était résigné à tout ce qui pouvait lui arriver, excepté aux dérangements personnels et aux maux physiques, et il ne fit entendre aucune lamentation sur la perte de sa brillante visiteuse. « Je veux jouir davantage de mes étis, maintenant qu'elle est partie, » murmurait complaisamment le baronnet en s'établissant dans le salon jaune, après un dîner en tête-à-tête avec sa fille. Ses vêtements, aux couleurs brillantes, étaient la mort de mes peintures, et sa chair, ces derniers temps, était trop exagérée. Il y avait quelque chose de cotonneux dans ce joug, et un manque de fermeté dans son menton, qui diminuait considérablement le plaisir que je pouvais trouver dans sa société. Il y a plus de vérité dans vos demi-teintes, ma chère Marcia, et votre blancheur d'ivoire, si elle était produite par l'art, serait un miracle. Vos yeux ne sont pas tout à fait aussi ouverts que le type de Greuze. Mais ils sont beaux, et le modèle de vos paupières est réellement charmant. La veuve, une fois partie, le perfide baronnet ne perdit pas de temps pour écrire à son locataire. « Cher Pansford, écrivait le traître, elle est partie. J'avais trouvé qu'il était impossible de hâter son départ sans esclandre, et je l'ai laissé choisir son moment. Je regrette de ne pouvoir justifier ses antécédents, car c'est réellement une très agréable femme. Marcia et elle ne s'accordaient pas très bien ensemble. Il y avait une espèce d'accord tacite entre elles pour s'éviter l'une l'autre, quoique je n'eusse pas communiqué le contenu de votre lettre à ma fille. Revenez me voir. Je soupire après quelques petites conversations vigoureuses, sur des sujets qui en valent la peine, s'il y a quelque chose au monde qui soit digne d'être discuté. Je suis énervé par la perpétuelle société des femmes et très fatigué du mauvais état de mes pensées. Venez, cher Pansford, vous trouverez votre ancienne place qui vous attend, et deux personnes stupides, ravies de votre arrivée. Toujours bien à vous, Gaspard Dennison. Je ne crois pas que ce soit un misérable, quoi que puisse dire la veuve, pensait le baronnet tout en pliant et en cachetant sa lettre. La déprévention, j'en ai peur. Elle l'a peut-être rencontré autrefois, quand il était mieux dans ses affaires. Elle l'aura assiégé en vue de quelque projet matrimonial et l'aura trouvé prudent. Une veuve ne pardonne pas à un homme prudent, et quoique je ne sache pas à quelle époque l'estimable Harding a quitté la vie, je penserai, d'après la perfection à laquelle la brillante Blanche a porté son art, qu'elle doit être veuve depuis longtemps. Et même, si la chose était possible, je pencherais à croire qu'elle est née veuve. N'importe, je parlerai d'elle à Pansford. Le locataire de Sir Gaspard répondit à la lettre amicale de son ami sur un ton aussi affectueux. Mais il ne pouvait pas pour le moment accepter l'invitation de son propriétaire. Pendant longtemps, durant tout le mois d'avril et très avant dans le mois de mai, Marcel n'aperçut pas dans les promenades de l'après-midi le voyageur africain. Il est parti, se disait Dorothée, parti pour quelque excursion pédestre, ayant un sac sur les épaules et son chien pour seul compagnon. Mademoiselle Dennison, en traversant la clairière du bois où elle l'avait si souvent rencontré, était forcée de s'avouer qu'il lui manquait beaucoup, et que ses promenades dans la forêt semblaient bien tristes sans lui. « Ma vie a été si privée d'amis et si vide qu'il n'est pas extraordinaire que je me sois attachée à mon seul ami, » pensait-elle tristement. Et alors, après s'être encore une fois trouvé une bonne excuse pour lui donner une place aussi importante dans ses pensées, Marcia s'aperçut qu'elle y songeait très souvent. Il y avait sa part dans tout ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas un livre favori dont les passages les plus remarquables n'eussent été librement discutés pendant les longues soirées d'automne et dans leurs promenades dans le parc et dans le village. Elle n'avait pas un morceau de musique qui ne lui rappela plus ou moins sa vive appréciation de tout ce qu'il y avait de plus grand et de plus beau. Pour son père, les 12 arpèges et les tremblotants trémolos d'un nocturne moderne étaient suffisants. Mais George avait un goût plus élevé et un sentiment plus profond de tout ce qu'il y a de plus beau en musique, et pour sa satisfaction, elle avait recherché les poudres volumes des compositeurs classiques et avait été heureuse de les étudier assidûment le matin pour faire le soir les délices de l'ode de son père. En peinture comme en musique, elle avait trouvé son goût d'un ordre plus élevé que celui de Sir Gaspard, ils avaient souvent soutenu ensemble plus d'une agréable controverse sur Van de Velde et Bakwissem, Reynolds et Romney, Cuyp et Potter, Watteau et Lancret, et sur tous les grands peintres du passé et du présent. Dans un cercle aussi restreint que celui de Mademoiselle Denison, une personne, une fois admirée, de devenir une personne très importante. Mais ce fut seulement après le départ de Pansford qu'elle découvrit tout ce qu'il avait été pour elle. Pourquoi est-il si capricieux et si peu stable dans ses relations avec nous, pensait-elle. Il nous aime, il n'y a pas de doute à cela, car je suis sûr qu'il est le dernier homme du monde qui affecterait une amitié qu'il ne sentirait pas. Et nous avons été si intimes. Un ami de 20 ans aurait à peine semblé plus habitué à notre intérieur et à notre coin du feu qu'il ne l'a fait. Et cependant, tout à coup, il part, et nous ne le voyons plus, et nous n'entendons pas parler de lui depuis plusieurs mois. Il n'y avait pas cependant tout à fait 2 mois que Mademoiselle Denison avait rencontré Pansford sur son chemin en allant au village. Mais cela lui semblait bien long. Elle pensait très souvent à sa conduite. Elle pensait à plusieurs choses qui ne peuvent s'exprimer dans aucun langage, ni s'écrire sur aucune page. Elle pensait au changement subit de sa voix, à ses regards si rapides qu'il était presque difficile de décider s'ils avaient réellement eu lieu, ou si elle se les était imaginés. Elle pensait à lui plus constamment qu'elle ne le croyait, et Marcia était arrivée à cette seule conclusion, il l'aimait beaucoup lui. Marcia était assise au soleil de mai, regardant pensivement dans le parc. Une vive rougeur monta à ses joues, ressemblant à la réflexion d'un brillant soleil couchant, tandis que ses pensées prenaient une forme et se prolongeaient à l'infini. N'était-ce pas quelque chose de plus que de l'amitié qu'elle avait vue dans la figure de Pansford quand ils s'étaient séparés dans le bois? Ah, comme les heures de cette paisible soirée lui revenaient, avec la douce pression de sa main, avec les faibles rayons du soleil couchant brillant entre les troncs d'arbres, les croassements éloignés d'Effreux. Ah, combien tout cela apparaissait à son esprit, et quelle charmante douceur il y avait dans ses souvenirs. Un ravissement plus profond qu'aucune joie qu'elle eût jamais éprouvée, un bonheur agité qui l'emportait loin de la terre. Elle mit ses mains devant sa figure pour cacher sa vive rougeur. Ah, c'est un si grand bonheur d'aimer, pensait-elle. Je ne m'étonne pas que cela n'arrive qu'une fois dans la vie, et dans quelques tristes existences, pas du tout. Et alors, saisie d'une soudaine terreur, elle se demandait, est-ce vrai? Est-ce bien vrai? Peut-il être vrai que quelqu'un m'aime, enfin? Son doute ne dura qu'un moment. Nous pouvons prendre du Strass pour du diamant, une copie pour un Rembrandt, mais nous ne prendrons jamais un diamant pour du Strass ni un Rembrandt pour une copie. Il en est de même de l'amour. Un clinquant sans valeur peut quelquefois ressembler à l'or, mais l'or pur ne peut jamais ressembler au clinquant. Tout inexpérimentée que fut Marcia, elle savait que George l'aimait, et que quelque puissant motif le forçait à garder le silence. « Il est pauvre et je suis riche, » pensait-elle. « C'est là le secret de ma conduite capricieuse. Il sacrifiera son bonheur à son orgueil. Il ne parlera jamais. » Je sais maintenant combien il est orgueilleux, car je me rappelle sa figure le jour où il m'a parlé de son pays natal, du jardin négligé et de son biologie. Ah, quel bonheur, si mon vil argent pouvait restaurer les lieux qu'il aime et relever son nom déchu. Comme la plupart des gens qui n'ont jamais connu le manque d'argent, Marcia était très capable de mépriser son usage ordinaire. Mais lorsqu'elle songeait au bien que sa fortune pouvait faire à Pansford, elle commençait à penser qu'après tout, c'était une bonne chose d'être riche. Mais voudrait-il jamais accepter son argent? Voudrait-il jamais lui laisser saisir l'occasion de lui être utile et de lui rendre sa position perdue? Il était parti depuis près de 2 mois, et Dorothée, qui était toujours bien informée de ce qui se passait à l'ermitage, dit à sa maîtresse que le domestique de Pansford ne savait pas où était son maître, ni quand il devait attendre son retour. Et Mademoiselle Marcia, s'écria Dorothée en finissant, lorsque je suis allé voir ma grand-mère l'autre soir, Milward était dans la cuisine et parlait de la longue absence de son maître. Il disait que cela lui faisait quelquefois horreur de penser que M. Pansford errait et marchait sans cesse tout seul dans les lieux les plus sauvages et les plus solitaires, très souvent longtemps après la nuit, et par toute espèce de temps épouvantable. Et Milward ajoutait que quelquefois, il est presque effrayé, en prenant le journal, de crainte de lire le récit d'un corps trouvé quelque part, emporté par la marée montante, ou broyé par la chute d'un rocher, ou enfoncé de la boue de quelque horrible marais. « Mais, mademoiselle Martial, comme vous êtes pâle !» s'écria Dorothée. « Et comme je suis sotte de parler de si horribles choses !» Martial rougit, honteuse d'avoir laissé voir tant d'émotions, même devant la naïve Dorothée. Mais quoique la petite femme de chambre fût profondément amoureuse d'elle-même, elle ne reconnut pas les signes de cette tendre passion dans sa jeune maîtresse si pleine de dignité. Selon l'idée de Dorothée, Pensefort était un personnage très âgé pour lequel il n'était pas possible d'éprouver un plus tendre sentiment que celui d'une respectueuse compassion. Mais le discours de Dorothée avait produit un grand effet sur Marcia. Son imagination, 100 fois plus ardente que celle du valet de chambre, s'était emparée de la faible esquisse suggérée par lui et l'avait remplie de tous les détails d'un horrible tableau qui l'avait hanté, soit qu'elle dormît, soit qu'elle veillât. Dès ce moment, il n'y eut plus le moindre changement dans le ciel, sans que Marcia ne se représentât le voyageur solitaire, errant au loin parmi d'insouciants étrangers, sans ami plus tendre qu'un pauvre chien. Il n'y eut pas de nuit sombre, sans un ciel sans étoiles, qu'elle ne le vit seule sur quelque route dangereuse, sans s'inquiéter des périls qui l'entouraient, faisant peu de cas d'une vie qui lui donnait si peu de bonheur. Quelquefois, restant à une fenêtre ouverte, longtemps après que toute la tranquille maison était plongée dans le sommeil, elle était emportée au loin par la vivacité de son imagination. Il le voyait lutter contre le vent sur la pente de quelque montagne rocailleuse, aussi distinctement que si le paysage boisé se fût fondu en deux et que l'autre scène lui fût apparue au-delà. Quelquefois, dominée entièrement par la force de ses pensées, elle étendait ses bras vers cette forme éloignée avec un geste suppliant, rempli d'amour, et s'écriait « Oh, reviens, reviens vers moi. Pourquoi ton orgueil est-il si cruel? Pourquoi souffrons-nous tous les deux si inutilement ?» Du moment où elle se fut avouée à elle-même qu'elle était aimée, il n'y eut plus le moindre doute à cet égard dans son esprit. Elle savait qu'il l'aimait et que c'était son amour pour elle qui l'avait chassée de sa paisible retraite. Quoique trop modeste pour estimer ses mérites et ses charmes, elle ne s'était pas demandé si elle était digne de l'amour de cet homme. Le raisonnement n'y entrait pour rien. Cela lui était venu naturellement comme la pluie tombée sur les fleurs, et lui avait été révélée par 1000 circonstances trop infimes en elle-même pour être remarquée, et c'est à peine si elle aurait pu dire comment elle avait découvert ce délicieux secret. Elle savait qu'il l'aimait, mais elle ne savait pas pourquoi elle en avait la certitude, et elle était heureuse de penser que pour cela, elle n'avait pas de meilleure preuve que sa conviction. Mai allait finir et Marcia pensait qu'il reviendrait en juin. Mais les dernières fleurs étaient flétries sur les buissons d'aubépine. Les roses églantines avaient déployé leurs feuilles d'opale. C'était l'été et il n'était pas encore revenu. Sœur Gaspard se plaignait amèrement de n'avoir que sa fille pour causer. Et cependant, il refusait d'une manière positive d'avoir aucune communication avec la haute bourgeoisie du comté qui ne voulait pas reconnaître au baronnet le droit de nourrir son chagrin et de s'abandonner à ses excentricités lorsque les devoirs de la société exigeaient qu'il donnât de grands dîners. Dorothée dit à sa maîtresse que le domestique de Pensefort était réellement alarmé, et le cœur de Marcia saigna en apprenant cette nouvelle. Ces gens peu sensibles ne s'effraient que lorsqu'il y a quelque cause sérieuse pour le faire, et la pensée de l'inquiétude du domestique de Pensefort eut une terrible influence sur Marcia. Lorsqu'elle se promenait seule, ses pas se portaient involontairement vers l'entrée du bois la plus rapprochée de l'ermitage et par laquelle il était vraisemblable que Pensefort passerait s'il revenait jamais. Oui, elle en était venue à se demander s'il reviendrait jamais, si cette figure bronzée la regarderait encore, avec cette affection indescriptible qui animait tous ses regards, avec tant d'expressions différentes, mais dont aucune ne fut adoucie par son amour pour elle. « Oh, reviens-moi, reviens-moi !» s'écriait son cœur, tandis qu'elle errait seule dans les sentiers ombreux où les roses sauvages fleurissaient inaperçues. « Oh, reviens-moi !» criait son cœur chaque jour et chaque heure, comme ses lèvres le murmuraient dans le milieu de la nuit, quand nul ne pouvait l'entendre. Elle l'aimait davantage à chaque heure de son absence, car il n'y a pas d'amour plus profond que celui qui se développe dans une atmosphère de terreur. Elle pensait à lui, souvent, comme à quelqu'un qui était perdu pour elle, le seul ami qu'elle eut en sa vie, qui par une affreuse fatalité lui était enlevé au moment où, pour la première fois, elle savait combien elle était aimée. « C'est mon destin, » pensait-elle quelquefois. « Je n'ai jamais connu ce que doit être le plus précieux bien pour toute créature vivante, et maintenant, le seul ami qui me chérissait m'est enlevé. » Son chagrin silencieux était très cruel, mais elle était habituée à souffrir sans le laisser voir. Ses doigts ne touchaient jamais les touches de son piano sans qu'elle se ressouvînt d'un bonheur que lui causaient certains passages et sans que cela lui fît beaucoup de peine. Elle ne chantait jamais sa plus simple ballade sans se rappeler combien il avait été ému par sa plaintive tendresse. Et cependant, elle jouait et chantait tous les soirs pour son père. Et le baronnet ne devina jamais que c'était une angoisse morale et non une langueur physique, sous l'influence de laquelle sa fille s'affaiblissait et devenait plus pâle de jour en jour. On envoya chercher le médecin de la famille, qui lui administra des toniques, mais nulle tonique ne pouvait chasser de son esprit l'idée de ce voyageur solitaire que son cœur cherchait dans les tristes nuits, et sœur Gaspard commença à s'inquiéter de la santé de sa fille comme un gentleman doit le faire. Juin, en approchant de juillet, devenait très chaud et des nuages chargés d'orage pesaient lourdement sur les clairières et les vallons boisés de Scarsdale. Depuis une semaine, Dorothée n'avait pas rendu de visite respectueuse à la vieille femme de charge sourde de l'ermitage, et pendant une semaine, Martial n'avait reçu aucune nouvelle du locataire de son père. Elle reculait avec une orgueilleuse réserve de faire aucune question à son sujet, et supportait la nouvelle douleur de l'incertitude aussi bravement et aussi tranquillement qu'elle avait enduré tous les chagrins de son enfant sans amour. Elle errait par une après-midi étouffante continuellement du parc au bois. Elle avait quitté la maison sans projet arrêté, mais seulement parce que la tranquillité de sa chambre lui était devenue insupportable. Elle était tout à fait libre de se promener où il lui plaisait, car sœur Gaspard employait une grande partie de son après-midi dans un tranquille sommeil pendant ce temps orageux. « Je sens qu'il y aura de l'orage, et ce que j'ai de mieux à faire, c'est de l'esquiver, » disait le baronnet. « Si je puis m'assoupir dans mon fauteuil tranquillement, sans avoir conscience des éléments déchaînés, les éléments déchaînés peuvent éclater. On veut qu'ils ne s'abattent pas sur mes faneurs ni sur mes chaînes. Un dormeur est un être hors de toute atteinte et qui peut défier la création. Un tremblement de terre peut à peine l'affecter et le faire se réveiller dans un autre endroit. Les nuages chargés d'orage avaient plané si longtemps au-dessus des bois que chacun était devenu indifférent à la tempête attendue et Marcia errait au plus profond du bois sans penser au danger. Elle avait pénétré au-delà du voisinage de l'ermitage dans un endroit ombragé où la fougère était sauvage et haute et où les branches en s'étendant formaient un épais toit de feuillage qui empêchait d'apercevoir le ciel de plomb. C'était un lieu où elle avait passé solitairement plusieurs après-midi d'été autrefois dans son enfance, ayant un livre pour compagnon et un gros chien à long poil pour protecteur. Elle n'avait pas pénétré dans ces solennelles profondeurs depuis son retour du continent, et le souvenir de son enfant solitaire lui revint vivement au moment où elle entra dans cet abri familier. Dans tout le monde, il n'y a nul autre visage que le sien que j'ai vu briller d'amour pour moi, pensa-t-elle en se rappelant la profonde indifférence de son père, le patronage caressant de sa sœur, et même la reconnaissante affection de la petite Dorothée, qui était tout au plus capable de remplir le vide du cœur d'une femme solitaire que la fidélité frétillante d'un frivole bichon. Dans tout l'univers, il n'y a pas une autre voix que la sienne qui ait jamais tremblé en me parlant. Reverrai-je jamais son visage et entendrai-je encore sa voix ? Elle s'arrêta tout à coup, car tout près du sentier, presque à ses pieds, était le corps d'un homme à moitié enterré parmi les fougères brisées, la figure penchée sur sa poitrine et la tête reposant sur ses bras entrecroisés. Dorothée avait reconnu tout de suite la veste de chasse râpée, les cheveux noirs en désordre. Marcia, par un instinct qui n'appartenait pas à la vue, devina que c'était Pounceforth qui était à ses pieds. Son cœur se glaça comme elle regarda son corps sans mouvement. Vivant ou mort, il était retrouvé. Mais en un moment, il fut sur ses pieds, droit devant elle, et les mains tendues vers les siennes. Son faible cri de surprise l'avait fait lever comme une décharge d'artillerie tirée près de son oreille. Elle lui donna ses mains librement et souffrit qu'il les gardât dans sa forte étreinte. Dans sa joie profonde de le revoir, elle oublia que nulle parole n'avait été prononcée entre eux pour les rendre plus que des amis ordinaires. Elle oublia presque qu'ils n'étaient pas des fiancés, tant elle avait pensé à lui, tant elle savait bien qu'il l'aimait. Si sa foi dans son affection eut besoin d'être confirmée, l'éclair qui passa sur son pâle et maigre visage lorsqu'il la regarda l'eût fait. Elle vit le céleste rayon et eut le temps de l'observer pendant que George tenait ses mains dans les siennes, trop profondément ému pour parler. « Et papa peut douter de la divinité de Dieu ?» pensa-t-elle, quand l'affection humaine n'a besoin que d'être débarrassée du levain de l'égoïsme pour devenir presque divine. Ce fut Marcia qui parla la première. « Je commence à penser que vous ne reviendriez jamais parmi nous. Ah, combien étaient doux ces deux mots si simples, parmi nous, en sortant de ses lèvres. C'était presque la promesse d'un foyer. Je suis si heureuse de vous voir. Et moi, si content de vous voir heureuse. » Il lâcha ses mains. Ils marchèrent en avant côte à côte, faisant bruire les fougères qui les entouraient comme ils avançaient dans les trois sentiers qu'on avait tracés tout au travers. Martial n'essayait pas de cacher le plaisir qu'elle éprouvait de cette rencontre. Il y avait tant de raisons pour qu'elle fût franche. Et la moindre de toutes n'était pas la vie râpée qu'avec quelque chose de la simplicité de Dorothée, Mademoiselle Denison acceptait comme un signe visible et une preuve palpable de la pauvreté de Paunceford. Il était pauvre et sa jeunesse était envolée. Il n'était pas homme à être fat et à tirer vanité des preuves de l'amitié d'une femme. Puis elle croyait en lui si entièrement. Pendant qu'ils marchaient doucement côte à côte, restant silencieux pour le moment, car il y a des joies trop profondes pour être éloquentes, un coup de tonnerre éloigné les tira de leur pensif silence. « Il arrive enfin, » s'écria le locataire de Sir Gaspard, « voilà 4 jours que j'attends cet orage. Il faut retourner chez vous à la hâte, Mademoiselle Denison, ou autrement, permettez-moi de le dire, vous n'aurez plus le temps de le faire. Voulez-vous prendre mon bras? Nous pourrons ainsi avancer davantage. Pouvez-vous marcher vite? Aussi vite que vous voudrez. » Ils se dirigèrent à la hâte vers l'entrée du bois par laquelle Marcia avait passé avant de prendre le sentier battu. De brillants éclairs arrivaient jusqu'à eux en traversant le feuillage qui était au-dessus de leur tête, et les coups retentissants du tonnerre semblaient ébranler la terre sous leurs pas pressés. Comme ils quittaient la clairière pour prendre le sentier, la pluie fouetta avec force contre les feuilles, et l'eau tomba torrent, comme cela arrive quelquefois par l'orage, à la grande terreur des fermiers, dont les foins ne sont pas rentrés ou dont les meules ne sont pas couvertes. Ils étaient à 1/4 mile de l'ermitage et à 2 de l'abbaye. Ainsi on ne pouvait mettre en question où Marcia devait chercher un refuge pour se mettre à l'abri de la pluie torrentielle qui faisait ployer le feuillage et inonder le taillis. « Venez chercher un abri dans mon cottage, » dit Paunceford, « et j'enverrai mon domestique à l'ermitage chercher une voiture. Il vous est tout à fait impossible de regagner à pied votre logis par ce temps. » Marcia accepta sans hésitation, et 10 minutes après, elle était parfaitement abritée dans le vieux parloir où le locataire de Sir Gaspard avait passé tant de tristes jours. Dame Thursgood fut appelée. Elle sortit avec quelques difficultés de la pièce située sur le derrière, ôta le manteau trempé de la jeune personne et fit à l'âtre un grand feu dans l'âtre. Quand Paunceford vit cela fait, et Mademoiselle Denison assise confortablement dans un grand fauteuil, son chapeau ôté et ses cheveux détachés pendant sur ses épaules aussi mouillés que ceux d'une naïade, il sortit pour envoyer un message à l'abbaye. Il s'arrêta un moment dans le petit passage en pierre avant d'appeler son domestique. « Irai-je moi-même » pensa-t-il. « Cela serait peut-être mieux, et une promenade à la pluie ne me tuera pas. » Mais le locataire de Sir Gaspard n'y alla point lui-même. Il envoya son domestique et revint doucement au parloir. Quelle étonnante influence ont quelquefois sur la destinée d'un homme ces petites questions. Il revint près de la femme qu'il aimait, il revint où son sort l'appelait.